Matin, midi ou soir, j'écoute du son. J'écoute du son. Matin, midi ou soir, j'écoute du son. Check sur la rime, fire, y'a rien de plus bon. T'es choqué par la rime, prends ça. C'est du bon son, à 30 fous, on perd pas la maison. C'est bon d'écouter du son, matin, midi, j'écoute du son dans ma maison. Chaîne à fond, volume à fond, mais plus le son est fort, plus le son est bon. J'kiffe la zizik, la bonne zizik, bien authentique, parfum d'Afrique, la bonne zizik. Comeback sur les bons vieux albums, nouveaux albums, ça déchire sur les tomes du condom. Parole de bonhomme, c'est l'une des seules choses au monde qui me retient. Me parque dans le bon chemin, spécialement le rap avec, j'me sens bien. Du son le crack comme du bon shit, c'est ce qui excite toute la jeunesse. Faut que tu médites, c'est bon d'écouter du son. Du matin au soir, c'est la mer. Tous envoyés un son, y'a rien de tel, rien de tel. Tous dans tes bases pour ces bons, pour ce que nos mélodies emmènent. Du matin au soir, c'est la mer. Tous envoyés un son, y'a rien de tel, rien de tel. Tous dans tes bases pour ces bons, pour ce que nos mélodies emmènent. Toujours laid back, non-stop, afro boogie, funk top. Mets le son à fond car la mélodie est au top. C'est aphrodisiaque et doux de masta. On fait bouger les tiens, les nôtres, on tient ça. On fait bouger les têtes de haut en bas. Agis-toi sans raison ou bien laisse tomber. Du matin jusqu'au soir, je sais que tu kiffes ça. C'est aphrodisiaque, doux de masta. Du matin au soir, c'est la même. Tous envoyés à son, y'a rien de tel. Tous dans tes bases pour c'est bon, pour ce que nos mélodies emmènent. J'écoute du son, du bon son, j'en suis jamais saoulé. Même quand y'a le boxon dans des soirées roulées. Quand y'a du rap, du raga en espèce, j'y suis. Y'a pas de frontières, pas de sens interdit, j'suis de la partie. Y'a des Walkman, Babsy, d'enrayer la mélodie. J'me fous de tout ce qu'on dit, j'kiffe la zik et j'fais qui. J'aime quand la culture j'mets la lazik et tout ce qu'on dit. Dans ce qu'on dit, mets de la base dans ta chaîne et fille. Y'a du bon son, du petit matin jusqu'au bout de la nuit. Dans ta douche, dans ta chambre ou dans ta zine cuit. Dans ton bus, dans ton train ou dans ton taxi. Certains transforment leur voiture en une boîte de nuit. Y'a toujours eu de la place pour la zik, c'est pas d'aujourd'hui. Que date le fait que tout le monde veut danser, tu sais si. À travers le monde, donne-moi un seul peuple qui n'aime pas le son. Primitif soit le son, tout le monde aime le son, garçon. Le premier moyen de communication, c'est le son. Donc écoute ce son, écoute du bon son. C'est bon d'écouter du son. Du matin au soir, c'est la mer. Tous envoyés un son, y'a rien de tel, rien de tel. Tous dans tes bases pour ces bons, pour ce que nos mélodies emmènent. Du matin au soir, c'est la mer. Tous envoyés un son, y'a rien de tel, rien de tel. Tous dans tes bases pour ces bons, pour ce que nos mélodies emmènent. Tous envoyés un son, y'a rien de tel, rien de tel. Tous dans tes bases pour ça.